cours numéro 29. Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira amma ba'd. Qala al-Imam Abu Hatim rahimahullahu ta'ala dhikru al-hath 'ala luzumi al-'afwi 'ani al-jani. Donc ce 29e chapitre dhakara rahmatullah alayhi luzum al-'afw. Wa al-'afw c'est le pardon et al-jani ça ressemble au mot zalim, celui qui commet une injustice, qui commet une faute. Fa mina as-sifat wal akhlaq al-mahmuda alladhi yanbaghi an yatahalla biha al-mu'min khuluq al-'afw. Le musulman doit faire des efforts fi hada, ay pardonner à ses frères. Falimadha li'anna la shak anna al-mu'min yukhti. Et nahnu en tant que croyants et on côtoie nos frères croyants, voilà bud an yahsul shay min al-khata waz-zallat, des paroles, des maladresses. Enfin, on doit pardonner. قال الله عز وجل خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. فالله سبحانه وتعالى امر خذ العفو اي pardon. وفي قوله عز وجل وليعفو وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى سي العفو من اسمائه العفو. اي الله سبحانه وتعالى اي pardon qui il veut. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنسنة عائشة رضي الله عنها de dire durant les dernières nuits de Ramadan. فالله سبحانه وتعالى يحب العفو. الجزاء من جنس العمل كما يقول أهل العلم. أن celui qui pardonne à ses frères فبإذن الله عز وجل il lui pardonnera كذلك ses fautes. قال الله تعالى فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين. Ça fait partie de l'ihsan. Ça fait partie de l'ihsan de pardonner aux autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala il aime l'ihsan. Et il aime كذلك ceux qui pardonnent aux autres. أما التعريف العفو فهو التجاوز عن الذنب وترك العقاب كما عرفه صاحب تحفة الأحوذي المبارك فوري رحمة الله عليه. أي celui qui a expliqué شرح سنن الترمذي qui a expliqué سنن الترمذي. التجاوز عن الذنب والترك العقاب أي pardonné. والصفح لأن هي مو qui ressemble c'est الصفح. قال عز وجل فاعف عنهم واصفح. Ça se ressemble لكن بعض العلماء يذكرون une différence. قالوا أن الصفح سيكون العفو لكن يا أنا جوز الترك التأنيب كما قال المناوي رحمه الله في مهمات التعريفات أي ترك العتاب أي pardonner ne pas prendre en compte l'insan sur cette chose et ترك العتاب كذلك ne pas lui reprocher. هذا لا شك أنه سأرفع أعلى وسيأتي معنا un éclaircissement, bien sûr. Al-Mu'min, il peut pas fermer les yeux sur tout. On peut pas tout pardonner. Certaines choses, il faut montrer. Certaines choses, il faut avoir de la fermeté, bien sûr. Lakin, bi al-jumla, idha hasala baynak wa bayna akhik, une chose qui n'a rien à voir avec le din. Fa fi hadha al-hal, tant que tu peux pardonner, pardonne. Fa hadha fihi khayr. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان لا ينتقم. النبي صلى الله عليه وسلم ne se vengeait pas sauf si c'était par rapport au din. Notre colère et notre amour et notre haine ça doit être par rapport à din Allah عز وجل. أما une maladresse par rapport à notre personne, une kalima, une zalla, فهذا سهل. هذا سهل. Tu te tromperas et ton frère il se trompera. Fi hadha al-bab on se pardonne fima yata'allaq bi umur ad-dunya. Amma fi umur ad-din fala bud min at-tanasuh. Fala bud min al-wuquf 'inda hudud Allah 'azza wa jalla comme on a expliqué kathiran. Qala al-Imam Ibn Hibban rahimahullah ta'ala أخبرنا الفضل ابن الحباب الجمحي بالبصرة قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة ورضي الله عنه قال أتى رجل فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني ويسيئون إلي وأحسن إليهم ويجهلون علي وأحلم عنهم. Donc cet homme, ce sahabi radiyallahu anhu, qui est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, et il lui a montré sa situation. Annahu, il avait des proches qui, ils faisaient tout huwa pour ne pas couper les liens, et hum, ils ne faisaient aucun effort. Asiluhum wa yaqta'uni. Asiluhum ay asil rahim, qui est entre lui et eux. Il faisait tout pour observer les liens de parenté alors que eux ne faisaient aucun effort. Wa yusi'una ilayya wa uhsin ilayhim. Huwa, il avait de l'ihsan envers haoula. Un bon comportement. Et hum, ils avaient un mauvais comportement. Yusi'un wa yajhaloun alayya. Yajhaloun alayya avec le kalam, des mauvaises paroles, etc. Wa ahlumu anhum, alors que lui est patienté. Vous avez remarqué que هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه il n'aurait pas répondu au mal par le mal. بل il a patienté. Et هؤلاء qui n'ont pas craint Allah Azza wa Jal par rapport à leur proche, ce صحابي, فهو يكرني الله سبحانه وتعالى. Et هذا c'est un point très très important. أن بعض الناس لا يخافون الله. Ils n'ont pas de limite avec leur langue, مثلا. Ils insultent immense. فنحن on n'a pas le droit de faire les mêmes erreurs que لماذا لأن en tant que مؤمن on doit craindre Allah عز وجل فسي lui ne craint pas Allah فأنت اتق الله في نفسك وفي pas parce que c'est un manque de courage ou l'insan il n'est pas capable de répondre Allah et c'est ça la différence entre أهل التقوى وغيرهم entre الصالحون وغيرهم c'est ça la différence c'est que الصالح il a des limites. Et il a des principes. Et il a une voie claire à suivre. C'est pour ça que لابد من هذا الحلم. تأملوا. الصحابي il a dit يجهلون علي. يجهلون. Avec des comportements, avec des paroles. وأحلم عنهم. Et où il a appliqué الحلم. الحلم c'est le fait de se maîtriser. Ça ressemble à la patience. فهكذا المؤمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم après avoir entendu la situation de هذا الصحابي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لئن كان كما تقول si c'est comme tu dis la situation que tu as décrite فكأنما تصفهم المل المل قال في الحاشية قال ابن حبان في الصحيح المل رماد يكون معه الشطبة نعم المل c'est الرماد c'est comme si tu leur mettais الرماد dans leur bouche. قال فكأنما تصفهم المل ولا يزال من الله معك الظاهر. Tant que tu es dans cette situation, tant que tu crains Allah, tant que tu ne désobéis pas Allah Azza wa Jal, même si هؤلاء sont injustes envers toi, فلا يزال من الله معك الظاهر. الظاهر c'est العون من الله. Allah subhanahu wa ta'ala, tant que l'insan est dans cette situation, Allah il le secourt. Et Allah Azza wa Jal, c'est son allié. فالتوفيق والتزديد والعون c'est من الله. Et parmi les causes, c'est le fait de craindre Allah Azza wa Jal. قال ما زلت على ذلك. Tant que l'insan il est dans cette situation, il s'efforce à suivre sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On ne répond pas au mensonge par un mensonge. On ne répond pas à un égarement par un égarement. On doit faire des efforts, on répond avec الحق. قال أبو حاتم رحمه الله الواجب على العاقل توطين النفس على لزوم العفو عن الناس كافة وترك الخروج لمجازات الإساءة إذ لا سبب لتسكين الإساءة أحسن من الإحسان. قوله توطين النفس ça montre que bien sûr هذا ça demande une préparation. Une préparation. Les anna patienter face aux injustices. Et khasadan, ceux qui ne font pas d'efforts, ça demande shaymin al-quwa ou l'ijtihad. C'est pour ça que qal tantin al-nafs, ça demande une préparation à la louzoum, à l'afou yani al-nas. Et ce qui aide à appliquer, à pardonner aux autres, même s'ils sont injustes, même s'ils se trompent, c'est la récompense. La récompense. En Allah subhanahu wa ta'ala, ma'ak, il est avec toi. Tant que tu le crains, Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonnera si tu pardonnes aux autres. Qala wa tark al-khuruj limujazati al-isa'a. Amma vouloir répondre. On va voir que c'est permis. C'est permis de se défendre, bien sûr. Lakin, Ibn Hibban, il a fait cette remarque très très importante. Qala wa tark al-khuruj limujazati al-isa'a idla sabab li taskin al-isa'a ahsan min al-ihsan. Répondre à ces injustices, khassatan avec les soufaha al-juhal, ceux qui n'ont pas de limite, min al-ghawra, min al-hamaj. Pardon, ils n'ont pas de limite. Leur vie, c'est à faire de l'injustice, commettre des injustices, les problèmes. Enfin, répondre à ce n'est pas forcément la solution pour se calmer et pour se débarrasser d'eux. Et de la sabab li taskin al-isa'a, la meilleure solution pour calmer, pour se débarrasser de ha'oula, c'est al-ihsan. Qala idla sabab li taskin al-isa'ati ahsanu min al-ihsan. Wa ta'ammal qawlahu 'azza wa jalla. On a cité souvent ce verset, wal ulama yaqulun annahu sa asl fi husn al-khuluq wa fi mu'amalat an-nas. Ce verset qu'on va citer, c'est une base dans le bon comportement. C'est une base dans la façon de se comporter avec les autres. قوله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله سبحانه وتعالى il a cité الإحسان. C'est pour ça que Ibn Hibban il l'a cité en se basant sur ce verset. ادفع بالتي هي أحسن. Repousse de la meilleure des manières. Et la meilleure des manières, c'est de suivre un Nabi alayhi salatu salam. Itfa' billati hiya ahsan. Al-ihsan, ça touche. Si, hada al-zalim. Khasatan ba'duhum, kama la yakhfa ala al-jami'a. C'est des soufaha, juhal, qui n'ont pas grand-chose à faire. Et ils ont le mensonge facile, les accusations faciles. Et ha'oula, yafrahoun quand ils trouvent quelqu'un qui répond, qui est comme eux, qui rentre dans leur jeu. Amma, quand face à eux, il y a Rajul min as-salihin qui essaie de mettre en application ce verset et qui repousse par l'ihsan, la douceur, le conseil, la patience. Faqala azza wa jal, yitfa' billati hiya ahsan, repousse de la meilleure manière. Idha alladhi baynaka wa baynahu adawa. Cette adawa, cette animosité qu'il y avait entre ces deux personnes, elle se transforme, comme a dit Azza wa Jal, ka'annahu waliyun hamim. Ça devient comme un wali, bel, pas un simple wali. Le wali, c'est un allié, bel waliyun hamim, et qui t'aimera, qui te défendra, qui te secourra, bi'idnillahi Azza wa Jal, qui te respectera. Tout ça demande de la patience. قال عز وجل وما يلقاها إلا الذين صبروا. C'est pas n'importe qui peut appliquer ça. Répondre au mal par l'ihsan. Répondre à la colère par la douceur. Répondre aux accusations par le conseil et la patience. كذلك ne pas donner d'intérêt à هؤلاء كما تقدم. وإلا فرépondre, on le répète, c'est permis. لأن الله عز وجل قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. نعم, si vous répondez, fa répondez comme on vous a fait. Vous avez subi une injustice, fa vous avez le droit de répondre. لكن الله سبحانه وتعالى dans ce même verset à la fin قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. Si vous patientez, fa c'est mieux pour ceux qui patientent. Vous avez remarqué que dans les deux versets, la patience, elle est citée. Et vous avez remarqué, Kadhalik, que dans notre dors précédent, le sujet c'était la patience. Ça nous montre, le dors d'aujourd'hui, une des principales causes pour pouvoir le mettre en application, c'est le dors précédent. Et pour pouvoir pardonner à l'afou, pardonner aux autres, il faut avoir de la patience. Falihada, ces deux chapitres, le précédent et ce chapitre d'aujourd'hui, ils sont liés. قال ولا سبب لنماء الإساءة وتهييجها أشد من الاستعمال بمثلها. هذا il n'y a aucun doute. أن répondre, c'est permis. لماذا؟ لأن l'être humain, أحيانا il a besoin de ça. Tant que l'insan ne dépasse pas les limites et tombe pas dans le haram, il a le droit de répondre. لكن الإساءة, الإساءة, vous connaissez le mot sou, faire du mal, répondre par un mal, ça peut causer un autre mal. Enfin, l'insan y répond. Seulement l'autre, vu que c'est un civil, vu qu'il ne craint pas Allah, vu qu'il n'a pas ses limites, que le mu'min al-salih, il essaye de respecter ses principes, ne pas mentir, ne pas accuser injustement. Enfin, tu vas te défendre et il va ajouter, il va accuser. Seulement shurla, seulement... il va te prendre de ton temps. Alors que si un mu'min est patient le premier jour, avec l'uqala, ça arrive un problème avec un aqil, avec un homme pieux, ça peut arriver bien sûr. Le fait de répondre, il y a un énorme khayr. Amma avec as-savi, al-jahil. Le fait de répondre, ça peut envenimer les choses. Et l'insan à la fin, il regrette. Amma, ne pas donner de l'importance. Patienter. Lillahi azza wa jal. Fahada la shak annahu, c'est une énorme cause. Kama qala, huna li teskin al-isa'a. Pour calmer le mal de hada l'insan. Wa laqad anshadani Mansour ibn Muhammad al-Quraizi. Sa ulzimu nafsi safha an kulli mudnibin. Wa in kathurat minhu ilayya al-jara'imu. Faman nasu illa wahidun min thalathatin. شريف ومشروف ومثلي يقاوم فأما الذي فوقي فأعرف قدره وأتبع فيه الحق والحق لازم وأما الذي دوني فإن قال صمت عن إجابته عرضي وإلا لا ملائم وأما الذي مثلي فإن زل أو هفى تفضلت إن الحلم للفضل حاكم. كلام جميل. نعم. La solution, c'est hada, c'est safh. Ou alors l'insan, il est confronté à hada souvent. Kullama tu pardonnes, plus tu pardonnes, plus tu auras la récompense. Kadhalik Allah subhanahu wa ta'ala, il aime hada al-fi'l. Kadhalik Allah, il te secourra, il t'élèvera. Et, rubama azamu min dhalik, anna yawm al-qiyama, Allah, il te pardonnera. Qala wa akhbarana Muhammad ibn Uthman. العقبي قال حدثنا محمد بن عامر قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا محمد بن المهاجر عن يونس بن ميسرة بن حلبس قال ثلاثة يحبهم الله: من كره سوءا يأتيه لأخيه وصاحبه فذلك قمن أن يستحي الله منه. دونك يونس بن ميسرة قال أن trois choses الله سبحانه وتعالى يلزم: من كره سوءا يأتيه إلى أخيه وصاحبه فذلك قمن أن يستحي الله منه. أي il déteste qu'un mal il touche son frère أو un de ses proches. ومن كان ذا رفعة من الناس فتواضع لله فذلك الذي عرف عظمة الله. أي إنسان الله سبحانه وتعالى il lui a donné une certaine منزلة, une responsabilité par rapport aux autres, et مع هذا il reste modeste. فذلك الذي عرف عظمة الله. لماذا؟ لأن مهما مهما مهما الله سبحانه وتعالى il te donne une منزلة رفيعة, une responsabilité énorme, فcelui qui connaît Allah, أن الله سبحانه وتعالى c'est l'أكبر, c'est العظيم, c'est الكبير, فهذا ça doit pousser à la modestie. لماذا؟ لأن المؤمن يغسط مدس لأن يكون عظمة الله, أن الله سبحانه وتعالى سيقاهر فوق عباده ويخاف مقته ومن كان عفوه قريبا من إساءته فذلك الذي تقوم به الدنيا. تقوم به الدنيا أي الخير، أي من كان عفوه قريب قريبا من إساءته. Même s'il a des maladresses, كذلك يبردن. Et ça c'est une صفه جميله، لان الانسان il est pas معصوم. قال فذلك الذي تقوم به الدنيا. لا شك ان combien de problèmes في الامه بين المؤمنين à cause de futilité. كم من الاخ il ne parle plus à son frère. كم من اخوان هذا il ne parle plus à son frère. Pourquoi؟ لماذا؟ لان des faiblesses في هذا الباب. والا لا شك ان n'importe quel frère, n'importe quelle sœur, ils auront des manquements. Quel que soit le niveau du ilm ou le niveau de at-taqwa wa salah, on a tous des faiblesses. Enfin, si on applique hada, on se pardonne, on ferme les yeux sur certaines choses, il y aura énormément de khayr. Sans concession sur nos principes, abadan. Al-kufr c'est du kufr, al-shirk c'est du shirk, al-bid'a c'est une bid'a, un péché c'est un péché. Le conseil c'est wajib. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك c'est une obligation. Mais certaines choses qui n'ont rien à voir avec le din أحيانا ça divise énormément. Une parole ربما بعضهم ils écoutent, ils entendent un mot من أخيهم, un mot, une maladresse, une parole mal placée, ça arrive et ça peut causer الهجر. أنهم ils se parlent plus إلى الأبد jusqu'ils meurent. Alors qu'il y aurait هذا العفو. Je me suis trompé, ça arrive. Et خلاص, ça arrive, tu me pardonnes. Et toi aussi, tu t'es déjà trompé, je te pardonne. Alhamdulillah. هذا معنى كلامه. قال أبو حاتم رحمه الله من أراد الثواب الجزيل واسترهان الود الأصيل وتوقع الذكر الجميل فليتحمل من ورود الثقل الردى ويتجرع مرارة مخالفة الهوى باستعمال السنة التي ذكرناها في الصلة عند القطع والإعطاء عند المنع والحلم عند الجهل والعفو عند الظلم. نعم إلى ستي هذا dans ce livre وتقدم معنا أن من الأخلاق الطيبة c'est que المؤمن il doit s'il a l'intention de faire du bien pour Allah subhanahu wa ta'ala. Vous vous rappelez de ce point. On ne doit pas donner parce qu'on nous a donné. Offrir du bien parce qu'on nous a fait du bien. Si on ne nous donne pas, on ne donne plus. Si on ne nous fait pas de bien, on ne fait plus de bien. Ils ont ce principe. Et là, c'est une erreur. Ils sont privés de beaucoup de bien. On répète. التي ذكرناها في الصلة عند القطع. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a bien montré anna al-wasil, celui qui respecte les liens de parenté, c'est pas celui qui répond. Tu m'as rendu visite, donc je te rends visite. Voilà. Celui qui respecte vraiment les liens de parenté, c'est celui qui visite ses proches alors qu'eux ils ont coupé les liens de parenté. Wa hakadha al-i'ta 'inda al-man'a. Donner à quelqu'un qui a donné, lui rendre, il t'a donné un jour et toi tu lui rends le lendemain. فهذا في الحقيقة سيسير وكثير من الناس يسون على هذا. لكن donner à celui qui t'a privé, هذا c'est autre chose. والحلم عند الجهل هذا تقدم والعفو عند الظلم. Pardonner alors que tu es convaincu que هذا الإنسان il a commis une injustice. هنا ça demande un certain niveau. قال لأنه من أفضل أخلاق أهل الدين والدنيا. وفي حديث on peut ajouter un حديث هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد إلى الله إلا رفعه الله. لا تظن أن الفت الدنيا سوف diminuer tes biens أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى كريم. يا الله سبحانه وتعالى يدل على celui qui donne. ما نقصت صدقة من مال. Ne crois pas que si tu donnes des صدقات ça va diminuer ton argent. وهكذا ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. Ne pense pas que pardonner c'est une marque de faiblesse. بعضهم vu qu'ils ont des principes, c'est pas le Coran ou la Sunna, ils pensent que celui qui ne se défend pas, qui ne répond pas, qui crie pas comme les autres, annahu il a des faiblesses. Là, bel celui qui patiente lillah et qui se retient lillah. Laysa shadid bis-sur'a, قال النبي صلى الله عليه وسلم. Le fort, c'est pas celui qui arrive à battre les autres physiquement. قال الشديد من يمسك نفسه او يملك نفسه عند الغضب. C'est هذا le fort, c'est هذا الشديد. فلهذا في هذا الحديث قال وما زاد الله عبدا بعفو. Si le mu'min pardonne aux autres, il a ce comportement, cette caractéristique, il aime pardonner aux autres, فالله il lui rajoutera من العز, il l'élèvera. وما تواضع احد لله, et celui qui sera abaissé pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala il l'élèvera. Al-hadith rawah muslim. هذا c'est le dalil par rapport à tout ce que l'imam Al-Hibban il a cité هنا. قال ولقد حدثنا محمد بن المهاجر قال حدثنا ابن ابي شيبه قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن ميمون عن داوود ابن الزبر قال او نعم عن داوود ابن الزبرقان بلوتو نعم عن داوود ابن الزبرقان قال قال ايوب السختياني رضي الله عنه ورحمه الله لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عنهم. هذا تقدم معنا dans le chapitre sur المسألة, sur le fait de ne pas demander aux autres, de ne pas mendier. أيوب رحمة الله عليه قال لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان. C'est deux comportements qui sont très très importants pour المؤمن. قال رحمه الله العفة عما في أيدي الناس. Avoir هذه العفة, ne pas toujours regarder ce que les autres ils ont, vouloir ce que les autres ils ont, là se contenter de ce que Allah il nous a donné, faire les causes bien sûr, ou at-tajawuz anhum, et ne pas prendre en compte les autres surtout. Bardoum ils se font beaucoup de mal, limadha li annahum ils ont un manque fi hada at-tajawuz. Bardoum btulu annahum ils enregistrent tout. Fulan il m'a dit telle chose, fulan il ne m'a pas rendu visite tel jour, Fulan il m'a pas dit pour telle chose, il m'a pas fait féliciter pour telle chose. Summa, tout ça, ça reste dans le cœur et ça fait beaucoup de mal à ce musulman. Ya akhi, al mu'min, il essaie de trouver awalan des excuses à ses frères. Peut-être qu'il ne t'a pas rendu visite ou il ne t'a pas félicité parce que tu as eu un enfant ou autre chose. Imma il a oublié, imma il voulait, imma muhim, c'est une faiblesse, un manquement. Al-amr yassir. La prochaine fois. كذلك انه il a dit une mauvaise parole ou une maladresse, il a c'est l'insane, il vient tout enregistrer, ça lui fera du mal. التجاوز. C'est pour ça que les ulama يقولون ان النسيان c'est une ni'ma. Le fait d'oublier c'est une ni'ma. C'est un bienfait parmi les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla. Et on doit essayer de d'oublier certaines choses. Wa illa fa ça va t'occuper. Et ça va t'attrister. Ça va te ralentir sur l'ilm. Kadalik, ça va provoquer des mauvais comportements. Et autres. Fama le fa'ida. Il n'y a aucune fa'ida. Tu ne gagnes rien. Les manquements que les autres ils ont, ça doit te donner des leçons. Essaye de ne pas avoir ces manquements. Et toi, fais du bien. Il ne t'a pas appelé, appelle-le. Il ne t'a pas rendu visite, rends-lui visite. Il a mal parlé, un t'a parlé bien. Tu verras que c'est une énorme da'wa pour lui, un rappel pour lui, et kadalik, beaucoup de hasanat pour toi. Lakin, le shaitan, il essaie de nous écarter de tout ça. Et shaitan, yuwaswis fil qulub, al-khabith, annahu yuwaswis, et il essaie toujours de nous rappeler que les mauvaises choses. C'est pour ça que, ahyanan, tu trouves deux amis, deux frères, ou deux sœurs. Et entre eux, ça se passe très très bien. Kam min ihsan, combien ils ont voyagé ensemble, combien de cadeaux, combien de bonnes paroles, combien d'entraide. Si tu viens à compter, c'est des choses énormes. Et s'ils ont une bonne intention, ils espèrent la récompense, ils sont à la khir, azim. Et ahyanan, une chose, elle se passe. Une parole, ahyanan. Une parole. Bah, ahyanan, c'est un regard, un geste. Et shaitan, il fait croire à ce frère ou à cette sœur, on a un tel, il ne l'aime pas, un tel, il ne le respecte pas. Et ce qu'il veut, c'est cette coupure. que ce soit un couple, des amis, des frères et sœurs, des proches, des voisins ou autres. Inna shaytan aïsa an yu'bad fi jazirati al-arab, walakin bit-tahrish. Il a désespéré le shaytan de se faire adorer fi jazirati al-arab, dans la péninsule arabique. Limadha li anna c'est la base du din hunak, la révélation elle a commencé hunak. Et toujours tu trouveras cet endroit al-jazira ad-din il est qawi wa lillahi al-hamd. Falihadha dans cet endroit le shaytan il a désespéré de se faire adorer. Lakin, il n'a pas désespéré at-tahrish entre les croyants. At-tahrish, c'est le fait de monter un tel contre un tel. Thumma, les diviser. Qal ibn Hibban, rahimahullah. Akhbarana Muhammad ibn Ishaq, ibn Khuzaymah. Qal haddathana Umar ibn Hafs. Al-Shaybani, qal haddathana Sufyan. An rajulin, wa huwa Amr ibn Ubayd. Qal sami'tu Umar. ابن عبد العزيز يقول أحب الأمور إلى الله ثلاثة العفو في القدرة والقصد في الجدة والرفق في العبادة وما رفق أحد بأحد في الدنيا إلا رفق الله به يوم القيامة. هذا الكلام ولو دون la chaîne de transmission فيها ما فيها وإلا فالكلام عن هذا الإمام الصالح عمر ابن عبد العزيز فوائد كثيرة. أحب الأمور إلى الله. الله سبحانه وتعالى il aime ces trois points, ces trois choses. العفو في القدرة. Pardonner alors que l'insan il a la capacité de répondre. Il a la capacité de se venger. لكن c'est quoi qui le pousse à pardonner? C'est il espère l'amour d'Allah عز وجل. Il espère la récompense. والقصد في الجدة. الجدة c'est لعله ça vient du mot Boujoud, le fait d'avoir, d'être à l'aise. Al qasdu fil jida. L'insan, il a, il peut dépenser, lakin, il fait des économies. Et hada, c'est tayyib. C'est tayyib, hada. L'insan, la yajouz, annahu, il gaspille. Ou rifqu fil ibad. Al rifqu fil ibad, ay, suivre la sunna du prophète, alayhi salatu wa sallam. Bardoum, il disait al qasd fil ibad. كذلك suivre سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما رفق أحد بأحد في الدنيا إلا رفق الله به يوم القيامة. Celui qui a du rifq avec les autres. Et من الرفق c'est le chapitre d'aujourd'hui الإحسان والعفو. Ça fait partie du rifq, de la douceur. وما كان الرفق في شيء إلا زانة. الرفق, la douceur, elle embellit les choses. والله سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفق. كما في حديث عائشة يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق. فالسلوي كي هذا الرفق avec les autres, la douceur. Prends pas en compte sur tout. Il a cette facilité في المعاملة. Il est très très facile à satisfaire. Il est très très facile à convaincre بالحق. Il accepte les excuses rapidement. Il pardonne. Il excuse. فهذا الرفق الله سبحانه وتعالى يرفق أو سيرفق به يوم القيامة. Ce jour où chaque être humain il aura besoin de هذا الرفق durant les comptes, الحساب, etc. فهذا الرفق il sera très très utile. Si on réfléchit comme ça, on réfléchit pas avec le principe de certains yadam billah qui est fondé sur l'orgueil, qui est fondé كذلك sur les autres. Si tu ne parles pas, les autres ils vont dire, ils vont penser. On doit pas regarder les autres. Pourquoi satisfaire les autres? Qu'est-ce qu'ils vont te donner? Essaye أخي الكريم, on doit tous faire des efforts هذا, d'avoir comme objectif, comme principe هذا, que Allah subhanahu wa ta'ala il m'élève, que Allah il accepte de moi. أما les autres فاتركهم, ils seront jamais satisfaits. هذا, on doit l'oublier, on n'arrivera jamais à satisfaire les gens. قال أبو حاتم رحمه الله الواجب على العاقل لزوم الصفع عند ورود الإساءة عليه من العالم بأسرهم رجاء عفو الله جل وعلا. Ça doit être ça l'objectif, de pardonner aux autres. Et bien sûr, sauf si ce pardon ça implique un mal plus grand. Enfin là, مثلا, quelqu'un qui se laisse aller dans le ma'siya, qui est injuste envers les autres, il fait du mal aux autres, on lui pardonne. Thomas, il fait du mal à nos voisins, etc. مثلا, واحد, il est connu pour le vol et on lui pardonne et il continue à voler les autres et نحن tant qu'ils nous volent pas, c'est bon là, ça c'est du ظلم, ça c'est من التعاون على الإثم والعدوان. في هذا الحال on doit tous s'opposer à هذا. Et c'est un munkar azim. لكن on parle quand ça implique pas mal plus grand, فهذا لا شك أنه سمطلوب. قال عفو الله جل وعلا عنه عن جناياته التي ارتكبها في السالف أيامه, لأن صاحب الصفح إنما يتكلف في الصفح بإيثاره الجزاء. Pourquoi صاحب الصفح, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il a donné ce bon comportement, العفو الصفح, il pardonne aux autres, أنه son objectif c'est هذا بإيثاره الجزاء. لماذا؟ لأنه il espère que Allah عز وجل lui pardonne. قال وصاحب العقاب وإن انتقم كان إلى الندم أقرب. أما celui qui veut toujours se venger, il m'a fait telle chose, il faut que je réponde, je peux pas me taire. Bah donc tu les conseilles, يا أخي passe ça, autre chose, خلاص. ربما le fait de répondre, ثم il va répondre, ثم ça peut aggraver les choses et tout le monde sera perdant. بعضهم لا, ils ne peuvent pas. En général, هذا, ça conduit à ندم, comme قال ابن حبان رحمه الله. وإن انتقم, et s'il se venge, كان إلى الندم أقرب. S'il se venge, il se rapprochera des regrets. Même si tu vas assouvir ton besoin de te venger, et ça va te calmer sur le coup, لكن les regrets y suivront en général. Et أحيانًا ça peut aller très très loin. Comme من الناس, ils ont eu un problème avec un autre, خاصًا avec un سفيه dans la rue, une parole, un regard. On vit à une époque, c'est un regard. Un regard. Au lieu de ne pas faire attention, il regarde l'amr seul. Alhamdulillah, tant qu'il ne te touche pas, etc. Au vardoum, là, un regard, il s'arrête. Et pourquoi tu me regardes? Et l'autre, il arrive. Et ça commence. Et vardoum, ils ont fini en prison à cause d'un regard. À cause d'un regard, il y a déjà eu des meurtres. Thumma hadha al-insan, il se fait juger 20-30 ans de prison pour un regard. تظنون أن هذا الرجل كيفيني ان بريزون à cause d'un regard. والعجيب أن il ne se connaissait pas, il ne l'a jamais vu. Donc ce regard, il aurait pu fermer les yeux. الأمر سهل, regarde, il n'a rien à faire. Et أنت الحمد لله, tu as des objectifs dans ta vie et tu as un monde. À cause de ce regard, de cette personne qu'il ne connaît pas, une peine elle peut aller jusqu'à 20-30 ans. تظنون أن هذا الرجل dans sa cellule il ne regrette pas. Il regrette forcément, privé de sa famille, de ses enfants, de ses proches, enfermé pendant cette longue durée pour un regard. Une fois que la colère, elle est partie, une fois qu'il se retrouve seul dans cette cellule, خلاص, qu'est-ce qu'il a gagné? Il a rien gagné, il a tout perdu. Sans compter le dhanb azim, à cause d'un regard, et il a dépassé les limites, حتى enlevé la vie d'un être humain. هذا c'est عين الظلم, on fait attention. Ça c'est un exemple poussé à l'extrême, لكن ça existe. Et الشيطان c'est exactement ce qu'il veut. فلهذا المؤمن, et on a souvent, Ibn Hibban il a souvent cité cette faïda dans ce livre, أنه المؤمن il doit regarder très très loin. Ne t'arrête pas au regard. Là, un regard c'est un regard. خاصةً أن بعضهم ils ont des wasa, oui, c'est de la paranoïa. Annahu, il l'a regardé normalement et il pense que un regard, c'est un regard. Même s'il a mal regardé, l'amr seul. Seul, c'est pas le premier qui te regarde et ça sera pas le dernier. Enfin, si on regarde loin, très très loin, on arrivera à réfléchir. Qala, فَأَمَّا مَنْ لَهُ أَخٌ يَوَدُّهُ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلْ عَنْهُ الدَّهْرُ كُلَّهُ زَلَّاتِهُ. L'exemple qu'on a donné, c'était pour un étranger. Wahed, que tu ne connais pas, ça peut arriver un problème. Fais attention. Ne te fais pas du mal pour ses futilités. Amma ton frère, ton ami, un proche, des choses qui vous lient. Al-Iman, wa-ta'awun, rubama al-ilm, la science, etc. Beaucoup de choses. Fahada tahammal an. Hada patiente avec lui. كما قال ابن حبان فاما من له اخ, celui qui a un frère. Et ça c'est une ni'ma azima à notre époque. تعلمون ان بعض الاخوان ils sont dans des endroits et ils n'ont pas quelqu'un avec qui quelqu'un avec qui s'asseoir, quelqu'un avec qui réviser, quelqu'un avec qui sortir. Ma'indahumada, ils sont fi ghurba shadida. Fa'anta, si Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a facilité, akhun min as-salihin. Hakada pour al-akhawad, des sœurs, fillah, azza wa jal, c'est une ni'ma azima. La bout min at-tahammul. Ce frère ou cette sœur, même s'ils sont extrêmement proches, ça reste des êtres humains. Ils ont une langue. Ils ont une langue, ils ont un cœur. Ils ont des façons de faire. Une chose, elle peut te toucher. Tahammul. Tahammul, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu supportes. Comme quand tu portes une charge lourde. Tu dois supporter, patienter pour la déplacer. Fahakada, supporte ton frère. Qala, yatahammal anhu ad-dahr kullu zallati. Pas qu'une fois, ça peut être une fois, deux fois. Bien sûr, sans négliger le conseil. Il y en a entre nous, on doit se conseiller. Si c'est répétitif, lui montrer, matalan, que cette chose, ça ne se fait pas. Khasatan, si c'est un péché, fi hadha al-hal, on montre. Là, qu'une certaine chose, ça arrive. Des maladresses, il a arrêté. Va ne pas tout prendre en compte. Et se pardonner, fihi khayr. Isma' hadha al-athar, qu'il a rapporté à Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah. قال لقد حدثني محمد ابن المنذر قال حدثنا أحمد بن داود التمر قال سمعت مردويه الصائغ يقول سمعت الفضيل ابن عياض رحمه الله يقول احتمل أخاك إلى 70 زلة. Supporte ton frère même si il a eu avec toi 70 maladresses. 70 fautes patientes. L'imada, il a cité 70. Il a cité 70 pour montrer Al-Qatra. Pour montrer même si c'est beaucoup. Qila la. Wa kayf dhalik ya Aba Ali. Ils lui ont posé la question. Mais comment ya Aba Ali? Ils lui ont demandé un éclaircissement. Qala li anna al-akh alladhi akhaytuhu billah laysa yazillu 70 zalla. L'imada, il a poussé à l'extrême son exemple, rahimahullah, avec 70 fautes. Qal, pourquoi il a des 70? Léanna, si c'est vraiment un frère que tu as aimé, fi Allah, azza wa jal, il ne fera pas 70 fautes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que patiente, il va se tromper une fois, deux fois. Un tas, tu vas te tromper une fois, deux fois. Vous vous conseillez, chacun veut le bien pour l'autre. Et alhamdoulilah, vous avancerez. Amma, celui qui s'arrête à la première erreur. Tu m'as dit telle chose. Thomas, il ne veut rien lâcher. Et l'autre, il commence à s'entêter. Shaitan, il va les diviser très très vite. Et tout le khayr qu'ils ont en commun, ils vont l'oublier. Et c'est ce que Shaitan veut. Itfa' billati hiya ahsan. Comme a dit Allah Azza wa Jal. Surtout avec ton frère, fillah. Surtout avec un ami proche. Qala wa anshadani Ali ibn Muhammad al-Bussami. Iza lam tujawiz an akhin laka athratan. Celui qui ne pardonne pas à son frère qui est proche, il ne va pas pardonner aux autres. Thumma rubama, il va rester seul. Liana, hatta tes proches, tes frères de sang, rubama, ils auront des manquements, certaines paroles. Enfin, si tu commences à prendre tout le monde à la lettre, à la moindre chose, et ne pas oublier. Kadalik, nous on fait des fautes. Est-ce que tu voudrais que les gens ils se comportent avec toi de cette façon? ثم قال رحمه الله وانشد لي بعض اهل العلم ولربما ابتسم الوقور من الاذى وضميره من حره يتأوه ولربما خزن الحليم لسانه حذر الجواب وانه لمفوه. Ça montre Anna, le fait de ne pas répondre, c'est pas par manque d'arguments. Ahyanan, tu sens que ton frère, il est en colère. Il est en colère, ça arrive. Ahyanan, al-insan, certaines journées, il a du mal pour eux. Enfin, si tu sens qu'il est fi hadha al-hal, si tu maîtrises ta langue, même si ouais, il a un certain comportement et tu laisses passer, tu verras que après ça se passe très très bien. Wala rubbama khazana al-halim lisan. Al-halim, c'est celui qui patiente. Qui voit très très loin. Il patiente, il retient sa langue. Hadhar al-jawab, il ne répond pas. alors qu'il a beaucoup d'arguments. Ça nous montre quoi, Erwan? On ne doit pas dire toujours ce qu'on pense. On ne doit pas toujours tout dire. Tu as la vérité, tu es capable de jouer des arguments, mais pour préserver une amitié, pour préserver des liens, tu te tais le temps que ça passe. Quand les choses elles sont calmes, on se conseille. Mais chacun veut tout dire, quand l'insan est en colère, ça peut avoir des conséquences si on oublie la base du problème. La base du problème, c'était quelque chose de futile. Moi, ça devient une montagne de problèmes. قال رحمه الله إلى رابورتي عن الفضيل ابن عياض رحمه الله أنه قال من طلب أخا بلا عيب بقي بلا أخ celui avant تقدم هذا معنا celui qui espère un frère un ami un proche بلا عيب sans défaut بقي بلا أخ il restera tout seul لماذا لأنه c'est pas possible. C'est pas possible. Tu as des défauts, j'ai des défauts, on a tous des défauts, on est des êtres humains. فَمَنْ طَلَبَ أَخًا بِلَا عَيْبْ بَقِيَ بِلَا أَخْ. C'est mauvais d'idden pour le comportement. Elle laisse toujours cette porte ouverte. Quand il se passe quelque chose, surtout un frère, un proche, un ami, tu sais qu'il est à la khayr, كذلك c'est valable pour les couples bien sûr. Tu sais qu'il est à la khayr, tu sais qu'il aime la vérité. Mais qu'il y a une parole, un comportement, laisse cette porte ouverte. Anaho, c'est un être humain, c'est une maladresse qu'il a eue. C'est un défaut, il n'est pas parfait. Et alhamdoulilah, tu regardes tout le khayr, ça va te faciliter. Mais si on fait l'inverse, un défaut, une parole, et on le grossit, on l'amplifie, et on oublie tout le reste, et on se focalise que sur ça, ça fera beaucoup de mal. قال أبو حاتم أغنى الناس عن الحقد من عظم عن المجازة وأجل الناس مرتبة من صد الجهل بالعلم وما الفضل إلا لمن يحسن إلى من أساء إليه فأما مجازاة الإحسان إحسانا فهو المساواة في الأخلاق. أي نعم هذا تقدم كثيرا. Donc ce qui est demandé c'est de patienter face à ceux qui ont هذه الإساءة. كذلك on n'a pas cité الجهال, les ignorants. Que ce soit dans les mosquées, que ce soit lorsqu'on fait le hajj, خاصةً celui qui a des bases في العلم, tu seras confronté à des gens, ils ont شيء من الإساءة, des mauvais comportements, des mauvaises paroles, à cause de l'ignorance. ففي هذا الحال, si Allah subhanahu wa ta'ala il t'a guidé, et ta facilité, et tu connais certaines preuves, min al-Qur'an, min al-Sunnah, tu connais la voix des salafs dans tel et tel point, enfin, tu t'apercevras que beaucoup de gens ils ignorent ces choses. Et cette ignorance, ça va les pousser à des mauvais comportements. Il faut de la rahma et du rifq. Ils font ces choses parce qu'ils étaient ignorants. Et Obama, nous-mêmes, on faisait ces choses quand on ne savait pas. Enfin, tu dois essayer d'être une rahma pour lui, c'est de lui montrer cette chose qui t'a été très utile au Obama pour lui, كذلك ça sera utile. قال فهو المساواة في الأخلاق. أما on revient à la parole d'Ibn Hibban, répondre je fais du bien parce qu'il m'a fait du bien. هذا في الحقيقة c'est comme rendre la monnaie. قال وربما استعملها البهائم في الأوقات. Même certains animaux ils le font. Ils le font, ils n'attaquent pas un tel parce qu'il ne les a pas attaqués. Et ils attaquent s'ils se font attaquer. Al-Mu'min, il est arfa min hada. Il est arfa min hada, mais avoir le bon comportement qu'avec ceux qui ont un bon comportement. Au Ba'dahum, Matalan, ils ont un très bon comportement quand ils sont avec un savant ou avec des étudiants. Et quand ils sont avec des ignorants, enfin, manque de modestie, dureté, ils ne leur donnent pas du temps. Hada, c'est pas min al-akhlaq al-tayyib. Là, comme tu es avec Talabat al-Ilm, tu dois être avec les autres. Mais avec les autres, on doit être encore plus doux. Les malades, les anahoum, ils ont des difficultés. قال وربما استعملها البهائم في الأوقات ولو لم يكن في الصفح وترك الإساءة خصلة تحمد إلا راحة النفس وفراغ القلب لكان الواجب على العاقل أن لا يكدر وقته بالدخول في أخلاق البهائم. Si, dans tout ce dars qu'on vient de faire ensemble, si la seule faïda, la seule leçon qu'on pourrait tirer, ça serait rahat al-bal wa tuma'ninat al-qalb, et le fait de pardonner aux autres et de ne pas rentrer dans les problèmes, dans les polémiques et vouloir se venger à tout prix. Hada, ça occupe, comme a dit. La yukaddir waqtahu bid-dukhul fi akhlaq al-baha'im. Ça va occuper ton temps. Ça va te préoccuper, ça va occuper ton cœur. Amma, tu pardonnes. Tu évites awalan des problèmes, des soucis et très vite tu oublies, tu vas passer à autre chose. Qala rahimahullah wa bil mujazati 'ala al-isa'ati isa'atan wa man jaza bil isa'ati isa'atan فهو المسيء وإن لم يكن بادئاً. هذا سبا على الإطلاق. تقدم معنا أن هذا جائز. الله سبحانه وتعالى nous a autorisé de répondre. On a cité الآية et beaucoup d'autres أدلة. لكن تأمل كلام هذا الإمام. هذا الإمام il parle عن خبرة وعن علم. Il connaît les versets que c'est permis de répondre. لكن il veut montrer هنا أن si tu réponds à السيئة par une CIA, même à la base, si tu as le droit de répondre sans dépasser les limites, sans être injuste, ربما الإنسان يقع في مظالم وأشياء غير محمودة ثم يغفر. فلهذا يلزم العفو تفوز بإذن الله عز وجل. نعم فهذا يرست certains passages لكن ce qu'on a lu الحمد لله فيه كفاية pour comprendre هذا الباب المهم باب العفو والصفح. On peut finir avec un hadith. On peut finir نعم avec un hadith du prophète صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. أنس rapporte رضي الله عنه أن كنت une affaire elle était exposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam wa fiha qisas. Al qisas matalan fulan il a frappé fulan. Fulan il a blessé fulan. Fi l'islam il y a le qisas. Il doit subir ce qu'il a fait. Fa kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ce cas ya'mur bil 'af. An-nabi sallallahu alayhi wa sallam une des premières choses qu'il faisait, il demandait à cette personne de pardonner. الحديث أخرجه أبو داود وصححه الإمام الألباني رحمه الله وهكذا الشيخ مقبل إلا حسن في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. هذا نحن نستفيد منه أنه إذا حصل بين أخ وأخيه مشكلة فأولا on doit faire les causes أن نصلح بينهما لأن في الإصلاح أن نغم خير كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا أخبركم بأفضل من درجة الصائم والمصلي أي bien sûr النوافل. النبي صلى الله عليه وسلم il leur a dit est-ce que vous voulez que je vous informe un plus haut degré que la salate et le siyam أي النافلة. Et ils lui ont dit بلى يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام إصلاح ذات البين, le fait de réconcilier بين المؤمنين. On ne doit pas rester en tant que spectateur. Il fera tout pour diviser. Et rien n'a un frère avec son frère. Il peut avoir des faiblesses. Hada, il n'a pas patienté. Hada, il n'a pas patienté. Thumma, chacun, il se retrouve de son côté. Il ne se parle plus. Anta, akhil kerim, si tu sais, tu as pris connaissance de Hada, ne reste pas comme un spectateur. Là, awalan, tu es concerné parce que c'est tes frères. Et thanian, n'oublie pas cette récompense. Enfin, voir le premier et lui parler, voir le second et lui parler. Thomas, si tu t'aperçois qu'un d'eux, il a raison, tu lui montres l'info, pardonne à ton frère. Celui qui a tort, t'essaie de le convaincre. Si tu t'es trompé, demande pardon. Wahakada, al-kalam tayyib, kadalik, lui montrer que son frère, il l'aime. Ça reste ton frère, fillah. Et on essaye de rassembler. Ah, là, c'est très, très important. Amma, l'égoïsme, tant que je ne suis pas concerné, tant qu'on ne m'a rien fait, je reste dans mon coin. Ce n'est pas ça le jama'a. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré que le haqq est avec le jama'a. Et le jama'a, ce n'est pas qu'avec la langue. Le jama'a, c'est quand ton frère Il a besoin de toi, t'es là. Al-mu'min, il a des hukouk. S'il tombe malade, tu lui rends visite. Quand tu le vois, tu lui passes le salam. S'il meurt, tu suis sa janaza. Et min hukouk al-muslimin, c'est que s'ils ont un problème, fa-hawil al-islah. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, marra, il a délaissé salat al-asr au masjid. Et c'est un autre compagnon qui a fait imam. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est parti pour faire l'islah, pour réconcilier entre deux tribus, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, pour vous montrer l'importance de hadhihi al-ibada. Et on a cité Adal, et Adal, il y en a, c'est directement lié avec al-afu kama tara. Naktafi bi hada wa alhamdulillah.